Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi de l'émission avec un extrait du plus récent album de la formation américaine Sonus Umbra. L'album a pour titre White Art. C'est le 7e album studio pour cette formation américaine. Et puis, on aura aussi un extrait d'un album à venir de la formation allemande Heaven of Echoes, un groupe qui a été mis sur pied par le multi-instrumentiste Andreas Ack, un musicien qu'on a connu par le biais de la formation Frequency Drift et qui maintenant œuvre sous le nom de Heaven of Echoes avec le chanteur Paul Sadler. C'est le 2e album qu'ils vont présenter le 20 septembre et il a pour titre Memento Vivere. En 2022, ils ont lancé l'album The Indifferent Stars. Et puis Marc, par la suite, je pense qu'on se dirige du côté de l'Ukraine. Oui, et vous vous doutez bien qu'on vous parlera de Carfagen, qui ont fait paraître cette année 2 albums jusqu'à maintenant. Et pour vous ce soir, on aura de leur plus récent Land of Chameleons, la pièce To Those Who Dwell in Realms of Day, et ce sera suivi de la pièce One Last Time, qui est tirée de Message from Afar, Second Nature. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission de ce soir avec une pièce du nouvel album de la formation américaine Sonus Umbra. Hello, this is Luis Nassel of Sonus Umbra, and you are currently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Trying to breach and get to the Capitol. We have a breach of the Capitol! Breach of the Capitol! We'll be right back. The whispering keyhole peeps at the landfill of broken hearts, calculating the probability of miracles in this place called absence. Hope eats prayers at the altar of the 1,000 faces, and the trees laugh silently in the garden of good and evil, at the monstrous beauty in the nettle of Eden. Sanctuary of outcasts, shelter for fools, the atlas of impossible longing lies bleeding with a broken back. He tried to save the fish from drowning. I have seen it all. I am old, wounded, and dangerous, but not as dangerous as my young brood. Escape from limbo, hidden in plain sight. Hello, this is Paul from Haven of Echoes, and I'm very proud to present a song from our new album, Memento Vivere. Thank you. fades away. Silence fades away. When this soul slept.

De retour à Terra Incognita pour notre seconde demi-heure, Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. On commence cette seconde section de l'émission avec une nouveauté américaine. Il s'agit du premier essai solo du guitariste Chris Erin. Chris Erin a fait partie d'une formation de Détroit qui a pour nom Tiles, un groupe qui a été actif de 1992 à 2016. D'ailleurs, le dernier album du groupe est paru en 2016. C'est sous le titre de Pretending to Run. Suite à la dissolution du groupe, Chris Erin s'est mis au travail et a monté ce nouvel album qui a pour titre Hiding in Plain Sight. De très nombreux musiciens ont contribué à cet album, et quand je dis nombreux, c'est, ma foi, c'est la première fois depuis longtemps que je vois autant de monde travailler sur un seul disque. On y retrouve notamment Martin Barr de Jethro Tull, Peter Frampton, Alex Lifeson, Kim Mitchell, Matthew Parmenter, et j'en passe beaucoup. Donc, cet album devrait paraître en novembre, le 1er novembre, et nous, ben, ce soir, on a un premier extrait de cet album, et c'est la pièce de Darkest Hour. Et puis, d'Italie, Oh No, It's Prague, le projet de Gianni Nicola. On vous présente un troisième extrait de l'album. Et puis Marc, par la suite, ben, on a une nouveauté canadienne. Oui, en effet, c'est la formation Obsidian Dreams. Ils sont de Prince Edward, en Ontario. Et c'est le fruit de la collaboration entre Gregory Inde et Franco Care. Leur album a pour titre La Gioia di Separarsi, et il est paru au mois d'août. L'extrait qu'on aura pour vous ce soir a pour titre « I have no mouth and I must scream ». Et ce sera suivi de la formation norvégienne de Flying Norsemen. Le groupe comprend trois membres originaux de la formation Arabs in Aspic. Et c'est leur premier disque éponyme qui paraîtra le 20 septembre prochain. Et on aura pour vous ce soir un extrait de la pièce intitulée « Listensbergjar ». Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec une pièce du guitariste américain Chris Erin. We'll be right back. Still is the night, still is the fog. Life is still your homely town, a wilderness, and now you feel your loneliness. Far from the crowd, you start to sense your discomfort about life. Thank you. Baklängs går sakta fram. am listen for you. Thank you. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres un extrait du plus récent album de The Samurai of Prague, featuring Marco Grieco. Le disque est paru en début d'année et a pour titre Quiet Town. Sur cet album, on a la collaboration du charismatique chanteur Michael True de la formation Moonletters sur la pièce de Solution Part 1. Et dans le même ordre d'idées, on aura également deux pièces de Moonletters tirées de leur premier album, Until They Feel the Sun, avec les pièces Scarabree et On the Shoreline. On aura également un extrait du plus récent album de la formation italienne Baroque Project, tiré de Time Voyager, avec la pièce Summer Set You Free. Et on débute ce bloc musical, Michel, avec une formation de l'Allemagne. Oui, on va avoir un extrait du plus récent album de la formation allemande Argos. C'est l'album Halfway Between Heaven and Mert. C'est le 7e disque studio pour ces Allemands. Et on a la pièce Fidgety Philip. See the naughty restless child growing still more rude and wild, till his chair falls over quiet. Philip screams with all his might, catching set with close to them. That makes matters swerve again. Down upon the ground that falls.

have lost it so. It must have fallen out of my pocket without me noticing. Today was another windy day. Yeah, pretty windy. The victim's close hand concealed a piece of wood torn from a small wooden cross in the name. The typical writing above a lord's head. Father, can you remind us? Certainly, INRI stands for Jesus Nazarenus. Exactly. That translated from Latin means Jesus Nazarene, King of the Jews. But I had nothing to do with it. We'll die on the fire. Just a few minutes before I arrived, and the body was found. The only one on the scene is you. Your vocation is in these four letters. What should the victim wanted to point out? But how could you even think such nonsense? I am a churchman, a servant of the Lord. Don't get excited, Father. I'm not accusing anyone yet. Am I? Epidermis in your fingerprints. strangled her with. Doctor, you can't. Hello, this is Michael with the band Moonletters, and you are presently listening to Terra Incognita, directly from Quebec City. Fireplace, take your car. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Il Cerchio d'Oro, le Cercle d'Or, et ce sera un extrait de leur avant-dernier album, Il Fuoco Sotto la Cenere, paru en 2017. On sait que leur plus récent est paru en 2023. On aura donc la pièce-titre de cet album, et on débute, Michel, ce bloc musical avec une formation du Royaume-Uni. Oui, un groupe originaire du Pays de Galles, Retreat from Moscow. Et on va voir un extrait du premier album du groupe qui est paru en 2022, The World As We Know It. Et on écoute à l'instant la pièce Home. Thank you.

conclure l'émission de ce soir, on va vous laisser avec un extrait du tout premier album de Vector K, un groupe de Montréal qu'on a eu le plaisir d'accueillir lors de la dernière édition du festival Terra Incognita en mai dernier. On vous présente un extrait du premier album La peur du désert. Mentionnons que le groupe va se produire à Lanty, à Québec, le 12 décembre prochain. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine pour encore un bon 2 heures de rock progressif. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.